liberté est un mot oublié comme une âme rassasiée d'avoir enfermé sa liberté. Mais cet être impuissant ne regarde plus dedans parmi des millions de gens assoiffés par son sang. Les ombres bougent et c'est leur danse. Jamais trop vite, ce n'est que matière à tes yeux. Conçue pour rêver. Regardez-les.